que j'aime à tomber de temps en temps sur des moments agréables de ma jeunesse. Ils m'étaient si doux. Ils ont été si courts, si rares, et je les ai goûtés à si bon marché. Ah, leur seul souvenir rend encore à mon cœur une volupté pure dont j'ai besoin pour animer mon courage et soutenir les ennuis du reste de mes ans. L'aurore, un matin, me parut si belle que, m'étant habillé précipitamment, je me hâtai de gagner la campagne pour voir lever le soleil. Je goûtai ce plaisir dans tout son charme. C'était la semaine après la Saint-Jean. La terre, dans sa plus grande parure, était couverte d'herbes et de fleurs. Les rossignols, presque à la fin de leur ramage, semblaient se plaire à le renforcer. Tous les oiseaux, faisant en concert leurs adieux au printemps, chantaient la naissance d'un beau jour d'été, d'un de ces beaux jours qu'on ne voit plus à mon âge et qu'on n'a jamais vu dans le triste sol où j'habite aujourd'hui. Je m'étais insensiblement éloigné de la ville. La chaleur augmentait et je me promenais sous des ombrages, dans un vallon, le long d'un ruisseau. J'entends derrière moi des pas de chevaux et des voix de filles qui semblaient embarrassées, mais qui n'arrivaient pas de moins bon cœur. Je me retourne, on m'appelle par mon nom. Je m'approche. Je trouve deux jeunes personnes de ma connaissance, Mademoiselle de Graffenried et Mademoiselle Gallet, qui, n'étant pas d'excellentes cavalières, ne savaient comment forcer leurs chevaux à passer le ruisseau. Mademoiselle de Graffenried était une jeune bernoise, fort aimable, qui, par quelque folie de son âge, ayant été jetée hors de son pays, avait imité Madame de Varan, chez qui je l'avais vue quelquefois. Mais, n'ayant pas une pension comme elle, elle avait été trop heureuse de s'attacher à Mademoiselle Gallet, qui, l'ayant prise en amitié, avait engagé sa mère à lui donner pour compagne jusqu'à ce qu'on la pût placer de quelque façon. Mademoiselle Gallet, d'un an plus jeune qu'elle, était encore plus jolie. Elle avait je ne sais quoi de délicat, de plus fin. Elle était en même temps très mignonne et très formée, ce qui est pour une jeune fille le plus beau moment. Toutes deux s'aimaient tendrement, et leur bon caractère à l'une et à l'autre ne pouvait qu'entretenir longtemps cette union si quelque amant ne venait pas la déranger.